Chapitre 23e, le réveil imprévu. Cependant, dans la matinée, aussi pas couru, affolé encore, à la sûreté, ce fut l'amorce qu'il vit. C'était le lendemain de l'aventure des projections. Paulin pensait que le truc des fantômes détruits, le prince ne s'amuserait plus à ce jeu, et n'évoquerait plus les habitants de l'au-delà pour le seconder dans ses criminels desseins. Le prince était plus audacieux, plus habile que Paulin Broquet ne le supposait. D'ailleurs, la partie en jeu valait bien la peine qu'on la poursuivît, qu'on risquât quelques nouveaux atouts. Et voici pourquoi le malheureux Ossip accourait tout affolé à la sûreté. Il s'était couché, lui aussi, tout confiant, se disant « Enfin, on va pouvoir dormir maintenant dans cette maison. » De fait, il ne tarda pas à tomber dans un sommeil de cosaque qui dormait au galop de son cheval. Il faut dire, pour demeurer dans la vie du récit, que le général et lui avaient largement fêté la victoire de Paulin Broquet qui les débarrassait de cette terreur, de cette appréhension des fantômes. Ils comptaient pouvoir tranquillement se plonger dans le sommeil sans être gênés désormais par les habitants de l'au-delà. Or, voici que dans le milieu de la nuit, Ossip s'était senti tiré de son lit, jeté à terre et fortement secoué à coups de botte. Il n'en fallait pas moins pour l'arracher à son sommeil. Sa chambre était plongée dans l'obscurité profonde, absolue. Ossip, cependant, quand il eut secoué sa torpeur, quand il se fut ramassé tout endolori et qu'il essaya de se relever, Ossip aperçut sur le mur des traits de feu. Ossip alors se trouva debout, réveillé et affolé. Sur le mur, il y avait en caractère de feu, d'un feu bleu scintillant comme un fluide, fugitif, ces mots « Ossip, va trouver ton maître, brut !» Ossip lut, relut, ne parvint à détacher ses yeux de la muraille que quand les lettres, peu à peu, l'une après l'autre, s'effacèrent. Alors il se décida, il obéit, il courut chez son maître. Il n'eut pas à heurter à lui, la porte était entr'ouverte, et il entendit le général qui à mi-voix parlait. Ossip, dont la terreur redoublait, n'osant pas demeurer seul dans le corridor, préféra entrer dans la chambre et avoir peur encore, sans doute, mais avec quelqu'un à côté de lui. L'intendant, sur le pas de la porte, cependant demeura figé, cloué au sol. Sur le mur, comme tout à l'heure chez lui, des raies de feu bleuâtre, semblables à des feux follets qui les nuits d'orage dansent dans les cimetières ou sur les étangs que fréquentent encore les djinns, les farfadets et les êtres mystérieux qui vivent dans le monde de l'au-delà. Les traits de feu disaient ceci, « Sobarov, tu ne peux m'échapper. Rends l'argent à celui à qui il appartient ou crains une terrible vengeance. » Le général, autant qu'Ossip affolé, lisait les lignes de feu. Cependant, malgré sa terreur, il répétait « Non, non, c'est à Johanna que je le donnerai, à Johanna, à Amédéa. » Les lettres de feu, comme tout à l'heure dans la chambre d'Ossip, s'éteignirent. Alors le général put faire un mouvement, il alla tourner le bouton qui commandait le plafonnier. Son étonnement fut grand d'apercevoir, au jet de lumière, son intendant Ossip dans la chambre, dans la même tenue sommaire et aussi troublée que lui. « Qu'est-ce que tu fais là, brute ? » lui cria-t-il. « Ah ! » balbutia l'intendant. « Ah, mon général, on m'a commandé de venir vous trouver tout de suite. » « Qui ? » ?»« Les lettres de feu, comme pour vous. » Ossip raconta alors à son maître ce qui s'était passé dans sa chambre. Le général grogna, poussa quelques gros jurons, puis il dit à Ossip « Le mieux, c'est de ne plus coucher dans nos chambres. Va t'habiller. » Nous allons descendre dans la salle des armures. Nous y passerons désormais les nuits. » Ossip revint donc chez lui non sans trembler. Il ne fut pas long à s'habiller et à rejoindre son maître. « Vodka, animal !» lui cria le général dès qu'il parut. « Vodka, service de nuit !» Cela voulait dire double service, double flacon, double verre. Le général, ayant fait honneur doublement au service de nuit, s'endormit enfin sur son lit de camp et cette fois il put dormir jusqu'au jour sans être troublé par aucune apparition, par aucun fantôme. Il semblait que les phénomènes de l'au-delà ne pussent se manifester dans cette salle aux murs ornés de tant d'instruments de meurtre, de guerre, de combat. Quant à Ossip, lui, il n'avait pas de lit dans cette salle. Mais, autant que son maître, il voulait dormir. Tout d'abord, il essaya de s'allonger dans une chaise, s'accoudant à la table, la tête appuyée au dossier. Mais il glissa. Il tenta de se pelotonner dans un fauteuil. Il y étouffa. Alors, tout simplement, il trouva le lit le plus naturel du monde. Il roula à terre sous la table et à même le parquet, S'étendant, les bras en croix, le nez en l'air, la bouche effroyablement ouverte, il dormit de ce bon sommeil que le Seigneur dispense aux élus entrant dans sa vigne. Ce fut dans la salle des armures, toute la nuit, un concert de ronflements dont l'orage roulant dans les montagnes ou l'océan fureur pourrait seul donner une idée. Et le jour arriva. Le général se sentait heureux d'en voir passer les rayons, vers 10 heures, à travers les croisées donnant sur le jardin, et étonné d'avoir pu dormir jusque-là sans secousse, sans brusque réveil. Son premier mot fut un énorme juron, selon une tradition de corps de garde quand on se réveille en plein jour. Ossip, lui, dormait encore comme on dort, paraît-il, sous une table. Le général entendit ses ronflements. « Comment il dort encore, cet animal? Il a le courage de dormir quand moi je suis éveillé ?» Il prit alors l'oreiller de crin, puis le traversin, et les jeta dans la direction du dormeur. Cela ne pouvait pas le réveiller, on s'en doute. Le général alors s'empara d'une de ses bottes. Il la jeta à la tête du ronfleur. La seconde ne tarda pas à suivre la première. Ce fut ensuite un tabouret. Ossip dormait toujours. Le général se leva. Il alla le bousculer à coups de pied. Ossip se contenta de se retourner de l'autre côté et ne se réveilla pas. Coup de pied, coup de tabouret, rien ne pouvait l'arracher au sommeil. Le général trouvait cela exagéré. Il se demanda comment il arriverait à le réveiller en lui jouant un bon tour. Il prit alors un verre, l'emplit de vodka et le but d'un trait. Une idée aussitôt lui passa par la tête. « Tiens, ta part, brute, » dit-il. Et il versa dans la bouche large ouverte de son intendant un verre de cette terrible eau-de-vie. Aussi pavala en souriant et continua son sommeil. Alors le général, voyant que ce stratagème ne réussissait pas, en imagina un autre. Il appuya sur un bouton électrique. Un domestique parut. Il lui commanda « De l'eau !» Le domestique ne comprit pas. « De l'eau !» répéta le général. Le domestique ne parut pas comprendre davantage. « De l'eau !» son maître réclamant de l'eau. « Tu n'entends pas, verre de viande ?» hurla le général. « Je te demande de l'eau !» « Tu ne sais pas ce que c'est que de l'eau, triple ivrogne. Apporte-moi de l'eau dans un verre. » Le domestique, voyant son maître ramasser une de ses bottes, se doutant qu'il allait la recevoir sous la figure, s'esquiva. À l'office, il répéta l'ordre du général. Le personnel en émoi n'en croyait pas ses oreilles. De l'eau? De l'eau dans un verre? Qu'est-ce que pouvait bien vouloir faire de ça le général? Enfin, on décida le domestique qui avait reçu cet ordre fantasque à obéir. On emplit un verre avec de l'eau, on mit le verre sur un plateau d'argent, et le domestique en tremblant l'apporta. Tout le personnel suivit à deux pas et se tint dans le corridor pour voir ce qu'allait se passer. Évidemment, tout ça n'était pas naturel. Il devait y avoir là-dessous de l'effet des fantômes. Le général passait les nuits en communication avec les gens de l'au-delà. Il dormait hors de sa chambre, dans la salle des armures, et il demandait un verre d'eau. Peut-être avait-il perdu la raison après tant d'émotions. Le domestique, tout ému, apporta le verre d'eau, de l'eau fraîche prise à la fontaine, claire et ressemblant à de l'alcool de riche. Il le présenta à son maître, qui le prit en riant. Le général s'approcha aussitôt de son intendant, et comme il l'avait fait avec le verre de vodka, il versa dans sa bouche le verre d'eau. Alors, ce fut d'un effet magique, immédiat. D'un coup, Ossip se réveilla et se dressa d'un bond en sursaut, toussant, crachant, se frottant la bouche, perdant la respiration, comme un malheureux qui, par mégarde, aurait avalé un verre d'ammoniac. Il suffoquait véritablement. Le général riait à pleine gorge. Et dans le couloir, le personnel, ayant compris à quoi servait ce verre d'eau, riait aussi. Jamais, jamais on n'avait joué un tour aussi bon. Fait une farce de telle envergure à un homme. Toute la journée, on parla de l'aventure en riant. La maison, si morose, si sombre, pour la première fois, prit un air de gaieté. Une journée si bien commencée ne pouvait que se prolonger agréablement. Cependant, le général envoya son malheureux Ossip à la sûreté pour dire à Paulin Broquet ce qui s'était passé dans la nuit, lui révéler le nouveau mystère de l'écriture des lettres de feu. Paulin Broquet préparait la prochaine descente dans le souterrain de la baleine avec Gabriel. Ce fut l'amorce qui, nous le savons, reçut Ossip et écouta ses doléances. Nous pensions, dit l'intendant au second du détective, nous pensions, après la dernière victoire de Paulin Broquet, être débarrassés des fantômes. Ils sont revenus ? S'écria la Morse, surpris. Pas eux, non, mais c'est comme s'ils étaient revenus. Expliquez-vous. Ils ont dit ce qu'ils voulaient nous faire entendre. Ils ont parlé. Non, écrit. Une lettre ? Singuliers fantômes qui écrivent et mettent leurs lettres à la poste avec un timbre sur l'enveloppe. Pas à la poste, sur les murs, des lettres de feu. Oh ! Fit la Morse, des lettres de feu. Nous rentrons vraiment dans la tradition des apparitions. C'est comme dans la Bible. Ossip dit à la Morse ce que contenaient les inscriptions. La Morse annonça qu'il allait en référer à son chef. Cela devenait en effet très intéressant. Ah, ils sont tenaces, fit-il. Mais rassurez-vous, ils ne pourront continuer longtemps ce petit jeu.